Alors, c'est à moi, je crois. Mais c'est bon, il reste qu'une demi-heure, donc je vais essayer de faire court. Il y a déjà tellement de choses de dites que je ne sais pas ce que je peux vous dire, peut-être pour ouvrir de nouvelles pistes de discussion. Si les aspects juridiques de ces problèmes n'ont pas été beaucoup abordés jusqu'à présent. Et c'est vrai que ces aspects juridiques sur l'accès ouvert aux publications, alors moi, je parle SHS, hein, art, lettres, sciences humaines et sociales, pas du tout sciences de la technique et de la matière, d'abord, un, pose quand même de sérieux problèmes qui émergent avec l'apparition d'Internet et les possibilités nouvelles d'édition en ligne qui sont, pour le dire vite, notamment pour les chercheurs payés sur fonds publics, le problème est celui du transfert des contenus, enfin des résultats de leur travail aux services privés, à des entreprises ou à des institutions privées. Historiquement, c'était une nécessité pratique dans le fonctionnement en particulier des universités, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu la moindre université qui aurait été en capacité, qui a été en capacité, ne serait-ce qu'à travers les presses universitaires, de publier la totalité, d'endogéniser tout le service éditorial finalement à l'intérieur d'un établissement pour publier la totalité des productions de ces chercheurs. Ça aurait demandé des presses universitaires de très très gros calibre, et même difficilement concevable, parce que souvent, suivant la composition de l'établissement, très multidisciplinaire, enfin, en tout cas, historiquement, il n'y a pas eu, et le recours à la sous-traitance privée dans l'édition était perçu comme une nécessité incontournable au 19e et 20e siècle. Et puis il y avait alors, du côté des SHF, une raison historique aussi qui était liée là aux vertus potentielles ou supposées du marché par rapport au fonctionnement de services publics, c'est-à-dire le marché notamment et de l'édition à SHS a toujours été un marché très dispersé, très éclaté, avec peu de concentration monopolistique ou oligopolistique jusqu'à la fin du XXe siècle, en tout cas. Et cette dispersion du système éditorial était aussi extrêmement favorable au pluralisme intellectuel, paradigmatique, philosophique, esthétique, politique, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi un attachement, d'ailleurs, des chercheurs en SHS basé peut-être sur une illusion, d'ailleurs, parce qu'entre-temps, le marché s'est terriblement concentré, aussi bien à l'échelle nationale que... Hein, mais une sorte de nostalgie d'un marché dispersé qui permettait aux pensées hétérodoxes, finalement, de trouver le débouché éditorial, quoi qu'il arrive. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, la situation est complètement différente, hein, c'est-à-dire que... d'abord, si on examine la structure de financement d'un ouvrage lié à la technologie du papier comparé à la publication d'un ouvrage intégralement numérique, on a pratiquement 80% de la facture de production qui disparaît et qui était liée au papier, à la technologie du papier, c'est-à-dire au travail notamment de maquettage pour la publication papier, au travail de production de l'ouvrage papier, au coût de distribution assez considérable dans la facture, et au coût de stockage qui est tellement considérable que le passage au pilon des livres était un mode de gestion tout à fait classique de ces problèmes. C'est vrai que tous les coûts, une grosse partie des coûts liés au papier disparaissent. Vas-y, Chloé. Juste alors, pour vous situer, je suis responsable de fabrication numérique pour les éditions de Rose. J'entends ça. Alors évidemment, contexte différent, éditeur indépendant, petit éditeur indépendant. Ah oui. Quand j'entends ça, j'ai un côté moi qui fait, je suis envie de te montrer les devis et les factures de la mise en place des outils informatiques, parce qu'on a créé des portails de texte en ligne, on peut fouiller, etc. Moi, je travaille là-dessus depuis 7 ans. J'ai numériser 1000 textes du catalogue avec des 3 niveaux de notes, des choses comme ça. Enfin, bon, voilà. Le tout en TEI, machin. J'ai développé un outil libre, mais gratuit pour. Enfin, voilà. Le côté, c'est pas cher. Bon, alors on est d'accord, c'est un peu ce qu'on discutait avec Pablo tout à l'heure aussi. C'est sûr que si on est élevé, on va dire qu'on fait des économies d'échelle. Voilà, il y a une nuance claire et c'est effectivement important. Moi, je suis intéressant, je parle pour ma paroisse, mais c'est pas ma paroisse, c'est pas moi qui suis directrice des études sur l'eau. C'est pas cher pour toi. Ah ben c'est cher, beaucoup. Parce que beaucoup, c'est aussi ce qu'on dépense en abonnement, par exemple. On pourrait économiser si on mettait ça en place publiquement. Oui, mais mettre ça en place publiquement, quand tu fais reconvertir un texte depuis le papier vers du CMM, publiquement, ça veut dire quoi? Qui va payer ça? Ben, par exemple, je sais pas, si on économise... Ah bah si, je sais, le Pléo le fait. Le Pléo le fait gratuitement. Résultat des courses, tu es dépossédé de tes sources, comme éditeur indépendant. C'est pas gratuit. Ça n'est jamais gratuit. Alors si tu veux rester autonome, et même c'est pas cher, si tu veux rester autonome, ça demande des fonds importants, un travail dingue, vraiment, que des petites mains à Madagascar font, hein, entendons-nous bien, parce que sinon, si c'était prix français, ça ne donne pas la peine, on n'aurait rien. Après qu'on reconvertit du fonds, enfin, je veux dire, c'est exorbitant, c'est un vrai travail. Voilà. Donc, bon voilà, je l'ai pas, on va pas élaborer trop là-dessus, mais c'est quand même un discours un petit peu nuancé, c'est un travail très lourd, qui fait d'ailleurs que le Cléo existe. Pourquoi le Cléo existe? Parce que c'est lourd, difficile, cher, long. Et qu'il faut des entreprises comme le Cléo qui ont les compétences techniques, métiers, etc., qui ont des millions de financements et qui le font faire pour les petits éditeurs indépendants, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Parce que c'est lourd à faire. Alors, pour défendre mon propos, je vais dire d'où je pars quand même, parce que c'est ça, c'est la base empirique. Donc, effectivement, mais tu as raison de nuancer. Parce que, c'est toujours les présupposés d'homogénéité hein, des situations qui nous mettent en porte-à-faux. Moi, j'ai publié depuis deux, j'ai créé un réseau, le réseau Terra, qui était spécialisé sur les recherches en matière d'asile, d'immigration, etc., en 2003, pendant 15 ans. On a tout publié en accès ouvert, l'équivalent en volume de plusieurs revues scientifiques, plusieurs collections de livres. C'était pas financé. Enfin, c'était nous avec nos petites mains. C'est pour ça que quand je dis c'était possible. Attends, laisse-moi terminer. Je redonne la parole. Et si tu veux, quand tu dis que Cléo a été créé parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est une interprétation. J'ai une autre interprétation. Cléo est à créer parce que les enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales sont incapables de se mettre à la page sur les questions numériques, tendanciellement, en dehors des sciences de l'infocom. Encore en infocom, il n'y a pas de problème de compétence sur les questions numériques. Mais il faut aller voir dans les autres, dans les 29 autres sections de sciences humaines et sociales, ce qu'il en est. Et donc moi, j'ai l'expérience travail éditorial de mise en ligne en accès ouvert, il n'y a aucun problème. Les livres, par exemple, de SHS, tels qu'ils apparaissent sous la forme des maquettes éditeurs, on est capable de les produire en 5 minutes aujourd'hui. Vous m'envoyez un livre sous Word, je vous le convertis en PDF et je vous fais un PDF haut de gamme en y passant un peu plus de temps, comme on sait faire aujourd'hui, navigable, décoré, avec ISBN, avec tout le machin, qui sera lu 10 000 fois plus en publication ouverte du PDF que s'il est en... et qui me prendra m'envoyer un livre de 500 pages, je vous le publie en PDF avec quelques heures de travail maximum. Et donc vous donnez notre adresse. Oui, alors attendez, je vous explique. Après il y a des conditions éditoriales, il faut que le comité de rédaction se soit donné son accord. Mais sur la collection HNP, Humanité numérique plurielle, allez-y gaiement. Hein. Alors là, il y a un gros comité de rédaction, 80 personnes, c'est eux qui décideront des publications. À partir du moment où ils auront donné leur validation scientifique sur le contenu, je m'occupe de votre livre quand vous voulez, sans le moindre problème. Et ça me prendra un temps dérisoire. Tout le pré-presse est impeccable. Comment ? Tout le pré-presse est impeccable. Non, vous m'envoyez votre manuscrit auteur. J'ai un seul problème aujourd'hui, c'est la correction orthographique. Mais il n'y a pas de graphique aussi. Non, c'est seulement la correction orthographique. Tout le reste, on peut le faire. Mais la correction orthographique, on peut la financer sur les programmes de recherche, par exemple. On peut la financer dans plein de dispositifs latéraux. au-delà de la correction orthographique, tout le reste, il n'y a besoin de rien pour publier le livre. Hein. Alors c'est compliqué parce que j'utilise Word. Hein. Comment ? C'est compliqué parce que de toute façon, c'est du Word, si c'était du LaTeX, voilà. En plus, oui, non, mais je prétends pas. Alors là, pour le coup, je suis vraiment le pingouin de base. Hein. Mais voilà, un simple fichier Word, 500 pages sur un fichier Word, vous structurez avec la table. En physique et en maths, c'est les chercheurs qui produisent les versions finales des PDF. Hein. Voilà. Oui, mais en change du même de sexe, c'est pas des mises en place. J'ai plusieurs éditeurs dans la salle et les livres ne sortent pas comme on les a confiés. Oui, il y a un retravail des éditeurs, oui, absolument. D'ailleurs, les auteurs ne veulent pas mettre en page la version qu'ils ont soumise. Non, ils ne veulent pas mettre à l'éditeur, ils veulent mettre en. Ben oui, parce que effectivement. Bon, ben, ne serait-ce que pour les corrections orthographiques, c'est des. Mais et puis le maquettage. Pour la plus-value sur l'organisation de l'ouvrage, toutes les vérifications des références bibliographiques, toutes les vérifications, ça tout est substituable aujourd'hui. Enfin, non, mais attends, c'est vrai que ça prendrait des gens qui faisaient ça en sciences. Non, mais la recherche, c'est pour revenir aussi sur la définition du métier d'éditeur. Eh oui, mais c'est pas de l'auto-publication parce que ce qui nous manque quand on fait ça, c'est le capital symbolique de l'éditeur. Mais on peut le reconstituer avec des comités scientifiques. Pas seulement, voilà. Tu as des revues qui sont hyper maquettées, chialées d'ailleurs. Il y a tout un renouveau, je pense à la sensibilité par exemple, qui fait des super belles maquettes. Bah ça, tu peux pas le produire. Tu pourras le retravailler. Il y a de l'illustration, il y a un travail sur la forme graphique, c'est des gens qui ont fait du design. Et ça, c'est plus-value proprement éditorial, ça ne rentre pas. Et c'est un métier d'ailleurs assez noble, le travail du texte. Oui, mais alors après, il y a tout le problème de savoir juste. Enfin, où on situe le niveau de coût souhaitable, parce qu'on peut toujours augmenter les prestations. Ben, je veux dire, ça c'est comme sur une voiture, si vous rajoutez, vous pouvez tripler le prix de la voiture c'est avec les options. Hein. Mais on peut vivre sans options. Enfin. Une des choses qu'on finance, c'est deux postes de vrais éditeurs ou éditrices, maquetteurs, maquettistes, là, dans les BU, et qui font ça au contact des chercheurs avec eux, tu vois, genre, directement, quoi. Ce serait quand même mieux que d'avoir des articles qui sont envoyés en Inde par quelqu'un qui ne parle pas vraiment anglais, à qui on demande de faire un travail mécanique de maquettage, ce qui arrive hein, aujourd'hui, tu vois. Et ça permettrait d'avoir de manière décentralisée, et en reprenant le contrôle du contenu, etc., en vraie discussion avec. Entre les gens qui ont fait la recherche, les gens qui la mettent en jolie, en page, etc. C'est important. Mais l'éditeur, il édite, et puis c'est lui qui diffuse. Ah oui, il nous reste 10 minutes à peine. Bon, ben, alors, en fait, là où je voulais en venir, c'était pas. Mais ça, sur la technologie papier. Sur la technologie papier. Non, il n'y a pas le prix du livre. Il y a le livre papier et le livre numérique, il n'a pas le même prix. Quand je l'achète, je vois la différence. Hein. Pas assez, d'ailleurs, à mon avis. Pas assez. Bah parce que les éditeurs ne jouent pas le. Enfin, ils augmentent leur marge bénéficiaire sur les livres numériques. Pas tous les éditeurs. Ah, si. Ils ne sont pas au prix réel. Alors là, le coût de production du livre numérique, il n'est pas équivalent au livre papier. Non. Absolument. J'ai été directeur de collection hein, pendant 10 ans. J'ai les mains dans le cambouis. Hein. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était pas là que je voulais en venir. Le problème que je voulais évoquer, c'était que du coup, les chercheurs se retrouvent aujourd'hui, malgré eux, dans la situation où seraient des fonctionnaires d'État ordinaires qui privatiseraient leur activité, le produit de leur temps de travail payé sur fonds publics au bénéfice d'actionnaires. Là, évidemment, on n'en accepterait pas le principe. Et on est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on travaille à 50% pour les enseignants-chercheurs sur la recherche. L'essentiel du coût de production de l'article ou du livre, c'est la masse salariale, hein, ça, il n'y a pas photo. Et quand on transfère le contenu de l'activité salariale à des opérateurs privés, de facto, on privatise l'argent public au bénéfice d'actionnaires. Ce qui fait qu'on se retrouve pas très loin, involontairement, et très peu d'anciens chercheurs en ont conscience, mais on n'est pas très loin de ce qu'on appelle en droit les emplois fictifs, par exemple. Je pense aux fameux emplois fictifs de la mairie de Paris. On ne reprochait pas au personnel qui travaillait à la mairie de Paris de ne pas assez travailler. Hein. Le mot fictif ne renvoyait pas à l'absence de travail. On leur reprochait de travailler à la mairie de Paris en étant financé par une collectivité publique au bénéfice d'un acteur privé, en l'occurrence le parti du maire. Mais au fond, ce que font les enseignants-chercheurs, c'est en permanence de cet ordre-là. Objectivement, malgré eux, d'ailleurs, ils ne l'ont pas vu venir. Ils se retrouvent éthiquement dans une situation très très similaire à celle-là. Oui. Alors moi, je vais te poser quelque chose. Vas-y. Te faire hurler, mais... Controverse. Je comprends. C'est comme si tu disais, les biologistes gaspillent l'argent public en achetant des souris pour faire leurs expériences au lieu de les élever eux-mêmes. Je vois pas le rapport là. Bah, si, c'est ce dont tu as besoin pour travailler. On fait affaire, l'université travaille avec beaucoup d'acteurs privés pour des enfants, des sortants, des choses. C'est pas la sous-traitance qui pose. C'est pas la sous-traitance, parce que la sous-traitance, on l'a tout le temps. Non, là, je pense qu'il fait une confusion. Les achats que tu évoques n'ont pas d'incidence sur l'utilisation des fonds publics dans la masse salariale. Il est interdit dans le service public de travailler sur le temps de fonctionnaire au bénéfice d'un acteur privé. Ça n'y a rien à faire. Chaque fois qu'un haut fonctionnaire se fait prendre dans ce genre de truc, il sera attaqué, conflit d'intérêts, trafic d'influence, détournement de fonds publics, privatisation des moyens. Il y a 20 000 items. Que l'éditeur ne fait rien vers moi, ça c'est si tu considères que l'éditeur ne fait rien, lui de son côté, ensuite il ne fait plus rien. Mais en même temps, les éditeurs participent aussi à des trajectoires et des carrières. Mais c'est pour ça qu'il fallait que je commence sur la question de la facture de production éditoriale. Les arguments que vous opposez, c'est valide si en fait les éditeurs rachetaient la matière aux chercheurs, par exemple, ou à l'université ou à l'État. C'est-à-dire racheter les articles pour en faire quelque chose qu'après ils vont travailler et vendre avec une plus-value. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est genre on est dépossédé de nos trucs. Je suis d'accord sur le fait que pour les articles, effectivement, il n'y a pas de droit d'auteur. Par contre, en ce qui concerne les ouvrages, là, il y a des droits d'auteur. Il y a un pourcentage sur les ventes. Alors, tous les éditeurs ne pratiquent pas les mêmes pourcentages, je suis d'accord. En plus, il ne faut pas tous les confondre, parce qu'en se saisir la découverte et la fabrique, Mais même ce pourcentage est problématique du point de vue de l'éthique de la fonction publique. Alors, c'est un sujet de discussion. Mais je veux dire, je sais pas, quand j'aurais passé la moitié d'une année à préparer un livre en étant payé comme fonctionnaire, l'idée de gagner de l'argent à titre privé avec la commercialisation de cet objet... est éminemment problématique. J'ai pas le droit d'ailleurs. Normalement, chaque fois qu'on augmente nos revenus à côté latéralement, on commence par demander une autorisation de cumul à notre supérieur hiérarchique. L'autorisation de cumul pour toucher de l'argent des éditeurs, on l'a jamais demandé. Et pourtant. C'est vrai que de toute façon, il y a toujours des. Entre la théorie, entre ce que disent les textes et les pratiques, on sait qu'il y a toujours des décalages. C'est vrai que pour le cas des éditeurs privés, bon, déjà les sommes ne sont pas astronomiques. Donc déjà, il y a des envers vendus, à part les cas qu'on adore citer à chaque fois, si on dépasse les 1000 exemplaires, on sort le champagne. Ah oui, carrément. Mais c'est vrai. Après, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que les chercheurs, les auteurs, ils doivent retravailler ces textes-là, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un remaniement, il y a une collaboration quand même assez importante de la part du chercheur, et puis quand on est dans le public, c'est pareil, on ne publie pas un texte tel quel. Voilà, donc ça demande quand même un travail, et c'est pas évident souvent pour les chercheurs de remanier leur propre texte, ne serait-ce que d'écrire des quatrièmes de couverture. Ça demande un travail, peut-être qu'aussi, oui, en ce sens-là, sachant qu'elles ne soient pas non plus les Voilà. Après, je pense que c'est aussi une grosse question disciplinaire comme ça, parce que par exemple, nous, c'est jamais les éditeurs au sens du travail éditorial, on appelle aussi éditeurs les gens qui font du travail d'édition scientifique. Les gens qui font l'édition scientifique, c'est des pairs en fait, c'est aussi des chercheurs payés sur l'argent public, et c'est après, une fois que tout ça c'est fait, que c'est fini, qu'on donne le PDF tout fait à l'éditeur. Ah oui, c'est ça, c'est important. Alors en tout cas, le régime juridique a été réadapté par la loi pour la récente loi pour une république numérique, avec notamment sur les périodiques, avec encore une incertitude jurisprudentielle sur le concept de périodique, qui n'est pas stable. Mais en tout cas, les revues rentrent dans la catégorie sans souci. Les collections de livres annuelles, c'est un point d'interrogation. Pour les ouvrages collectifs, dans des collections récurrentes, comme la loi prévoit une périodicité d'un an, enfin une publication par an, bon, ça c'est... La question se pose, par exemple, pour les éditeurs. Et c'est ouvert. La question se pose, parce que les éditeurs n'en veulent plus, ou alors quand ils les acceptent, c'est tellement remanié qu'en fait, entre l'acte, le colloque tel qu'il a été produit, et l'ouvrage collectif qui est publié, souvent il y a des différences assez importantes. Ça pourrait être là pour les SAGES, il y a trois catégories. Donc il y a les articles en revue. Là, les choses sont claires sur le plan juridique. Donc la loi nous affranchit du contrat éditorial primaire au bout de 12 mois. 6 mois pour les STM, 12 mois pour les SHS. Ils ont différencié les deux domaines. D'ailleurs, c'est assez rare pour le signaler. Sur les livres collectifs en collection récurrente, il y a incertitude juridique. Et les livres monographiques d'auteurs, en relance, sont assez clairement exclus par les débats parlementaires, dont on peut supposer que, si les juges sont saisis, les juges n'inventent pas... ils vont lire les débats parlementaires pour comprendre le sens du droit, et donc là, ils verront qu'effectivement, les livres monographiques sont exclus. Ce qui est d'ailleurs philosophiquement très problématique, parce que dans un domaine SHS, où la publication par livre est très valorisante dans les carrières, on voit pas bien, enfin moi je vois pas bien pourquoi un argument en faveur de l'accès ouvert fonctionnerait sur les articles et ne fonctionnerait pas sur les livres à terme, d'une façon ou d'une autre. Enfin, la différenciation par rapport au contenu de principe m'échappe, mais c'est comme ça. Moi je suis assez favorable à ce nouveau régime juridique d'ailleurs, enfin favorable à l'accès ouvert. Simplement, pour revenir au cœur de notre objet, ça a fait l'objet d'une controverse, j'ai signalé tout à l'heure, spécifique au SHS. C'est-à-dire que la controverse a été lancée sur le domaine SHS. Elle s'est un petit peu... elle est devenue plus floue dans les réponses de tribune à tribune qui ont élargi au STM, mais ça reste quand même très, très marqué, cette controverse, dans le champ des SHS, sans l'équivalent en STM, ce qui est une autre différenciation possible des domaines sur ces questions. Et on avait en gros trois positions en 2016, politique qui s'exprimait, donc une position en faveur de l'accès fermé payant, classique, une position en faveur de l'accès ouvert, mais d'un accès ouvert qui pointerait le système A comme système unique, ou en tout cas avisé monopolistique potentiel, donc centralisé étatique, et une troisième position dont j'ai repris dans le titre de la séance, c'est-à-dire HAL ou les autres archives ouvertes, c'est-à-dire en fait favorable aux archives ouvertes, mais sans laisser se construire un monopole étatique dont on voit qu'il pourrait générer des effets pervers. Alors à partir de là, ce qu'il faut rajouter aussi sur le plan juridique, c'est l'apparition des formes d'obligation de dépôt. Jusqu'à présent, c'était des anticipations. Mais il se trouve que l'année dernière, l'école ParisTech a pris une initiative pionnière et novatrice qui a consisté à rendre le dépôt sur HAL obligatoire, sur la totalité de son périmètre. Par une note de service interne, co-signée par le directeur de l'établissement et indiquant très clairement une obligation. Alors la note... pour tous les juristes que j'ai pu consulter, y compris moi-même, mais quelques autres aussi, la note est clairement illégale. C'est-à-dire que parce qu'elle vient modifier des règles de rang supérieur. Et en particulier, elle impacte des règles de rang réglementaire et de rang législatif. Or, le directeur d'un établissement n'a pas la compétence juridique pour modifier les règles qui sont de la compétence du ministre ou de la compétence du Parlement, ce qu'on appelle le principe de la hiérarchie des normes. Modifier s'entend dans la jurisprudence du Conseil d'État comme transformer ou rajouter. C'est-à-dire, pour une autorité qui n'a pas la compétence juridique, créer une norme en dehors de son champ de compétence est illégal. Et pour le coup, sanctionné par le juge administratif qui, à ce moment-là, efface, en fait, juridiquement, les normes que l'autorité n'avait pas pu créer. Et donc là, cette note de service est en vigueur aujourd'hui. Elle n'a pas été déférée devant le juge administratif, ce qui fait que... Mais du coup, elle s'impose, d'ailleurs, sans contrôle de l'égalité, et on voit le phénomène se diffuser dans les autres établissements. J'étais encore la semaine dernière à l'Université de Technologie dans une discussion avec les référents HAL, et on sent la pression en direction de cette obligation pointée. Alors, les collègues de mon laboratoire m'ont gentiment catapulté référent HAL du laboratoire, et j'ai mis une condition pour accepter la mission. Ah oui. J'ai mis une condition pour accepter la mission, c'est-à-dire, ok, je suis référent à tant qu'il n'y a pas d'obligation aux chercheurs du laboratoire de déposer. Tant que c'est une possibilité ouverte, mais pas une obligation. Évidemment, l'obligation nous fait changer de monde, c'est-à-dire que c'est plus de l'archive ouverte, c'est un silo sur lequel tout ce qu'on a vu sur la bibliométrie peut apparaître. Voilà, on arrive à la fin des 3 heures. En fait, ça paraissait long au début, mais c'est très court. Ouais, c'est pas assez. On a quand même bien déployé le sujet sous multiples dimensions. Merci à toutes pour vos participations. Merci d'avoir été là.